Bonjour, ravi de vous accueillir ici à la Bibliothèque nationale de France. Isabelle Giannattasio, directrice du département de l'audiovisuel, et moi-même vous souhaitons la bienvenue pour cette séance conclusive du séminaire sur le document sonore. Séminaire qui, je pense, est assez exemplaire pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il a associé tout au long de cette année trois institutions qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, enfin en tous les cas pour ce qui est de la BNF. Donc le CNRS avec le TGE à Nice, l'Université d'Orléans avec le Laboratoire ligérien de linguistique et la Bibliothèque nationale de France avec son département de l'audiovisuel. Donc je pense que cette collaboration a été très fructueuse tout au long de l'année et nous sommes ravis de conclure ce séminaire avec une intervention de Lou Bernard. Et puis deuxième raison peut-être de l'exemplarité de ce séminaire, tout simplement son sujet, le document sonore, qui en général est le grand absent de tous les questionnements, de toutes les problématiques sur les médias audiovisuels, les médias sonores, en tous les cas qui payent le prix d'une sorte de transparence dans les questionnements. Donc l'association des trois institutions pour questionner encore une fois ce média est tout à fait intéressante, exemplaire je pense, et nous souhaitons pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine dans les mêmes conditions. Donc je laisse tout de suite la parole à Lou Bernard qui va se présenter lui-même, je pense que ça sera nettement mieux. Donc le principe est d'avoir une heure de présentation par Lou et puis ensuite une heure de discussion avec la salle pour interroger Lou Bernard sur son intervention. Bonne séance. Merci beaucoup. Je préfère de rester debout, si ça marche. Okay. Ça va, vous m'entendez bien, j'espère. Je vous prie de m'excuser les fautes de français éventuelles. Je suis à Paris que pendant quelques journées. Normalement, il me faut au moins 48 heures pour retrouver ma tête française. J'ai fait de mon mieux. Mais si vous me voyez faire ça, vous comprenez très bien que c'est un manque de vocabulaire et non pas qu'il y a un feu partout ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai préparé cette petite intervention au sujet que vous voyez là. Comment on connaît l'oral en TEI ? Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la TEI, mais je vais peut-être essayer de vous expliquer ce que c'est que l'oral, ce qui est peut-être un peu difficile. Pourquoi est-ce qu'on fait tellement d'efforts à ce sujet ? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, encoder l'oral ? À mon avis, il y a trois parties distinctes qu'il faut distinguer. D'abord, c'est une question de saisie d'un signal sonore. Et avec ça, tout le problématique de saisie et représentation dans un format numérisé du son et de l'image. Deuxièmement, et ça c'est la partie que je connais le mieux, la question de transcription, c'est-à-dire de traduction dans un autre médium de ces signaux sonores. Et dernière chose, très important pour l'oral, plus important peut-être que pour d'autres moyens de s'exprimer linguistiquement, sa contextualisation. L'oral ne se comprend pas si on ne sait pas où on l'a trouvé. Et je reviens sur ce point. La saisie de ces ressources, je me sers de ça ou ça ? De ça. Bon, je vais chanter avec ça. Bon. La saisie de cette espèce de ressource est donc techniquement très complexe, mais aussi d'un point de vue de conceptualisation, il est difficile. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait en transcrivant ? Et je reviens sur ce point. Le dernier point, c'est, et ça on connaît très bien, que c'est très coûteux. Si vous voulez avoir un corpus de 100 000 millions de mots, écrit, aucun problème. Si vous voulez avoir un corpus de 10 millions de mots oraux, ah, ça va vous coûter cher. Alors, pour ces raisons, et il y a d'autres, pour ces raisons, à mon avis, l'encodage de l'oral devrait se faire en respectant les normes. Et je reviens sur les normes prochainement. Alors, c'est quoi l'oral ? Ce n'est même pas un sujet, c'est un sujet, à mon avis, un peu hétérogène. On peut, par exemple, quand on parle de l'oral et on parle avec un linguiste prosodique, du type que vous avez entendu dans la dernière séance de cette semaine, mon collègue John Coleman, lui, il est phonéticien. Donc, pour lui, l'oral, principalement, c'est des petits morceaux de communication orale qui ont été élicités d'une manière contrôlée, dans une situation contrôlée, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'intervention, le signal sonore est parfait. Et ça, c'est dans ce domaine de l'oral. Également, on parle de l'oral quand on parle des interviews documentaires. Par exemple, avec les grands personnages, les rockstars, n'importe quoi. Ça, ou plutôt dans le domaine de l'histoire, histoire sociale. On interview les anciens travailleurs dans l'usine. Comment c'était pour vous? Quelle heure vous vous êtes levé le matin pour travailler? Je me suis levé. Vous connaissez ce genre de choses. Vous avez les émissions radiophoniques. Qui sont d'intérêt parce qu'ils sont quasiment scénarisés. Il y a un script que le parleur doit suivre, s'il est sur la radio ou sur la télé, etc. Et puis, vous avez des enregistrements plus ou moins informels, voire avec microphone caché. Je ne sais pas si ça peut se faire maintenant en France, mais c'est sûr qu'à l'époque et de temps en temps ailleurs, on fait des enregistrements cachés et on a, comme ça, on prétend avoir des résultats très intéressants, très, très, très importants pour la langue, soi-disant, vraie. OK, alors, il y a toute une série très variée de genres de communication. Si on les compare avec les textes écrits, les textes oraux ont de grandes différences. D'abord, et le plus important peut-être, c'est que l'oral se produit dans le temps. C'est très important, ça fait une partie de la communication. S'il y a des pauses, s'il y a des chevauchements, le fait qu'on ne peut pas revenir dans la lecture d'un oral dans la même manière qu'on peut dans la lecture d'un texte écrit. Deuxième différence, on n'est pas du tout d'accord sur le format où on doit normaliser, représenter l'oral. Et je reviens sur ce point-là. Et troisièmement, comme j'ai déjà dit, l'oral est très difficile à comprendre hors de son contexte de production. De point de vue encodage, on pourrait à peu près dire les mêmes choses sur d'autres expressions linguistiques comme les manuscrits anciens ou les images. Mais ça, peut-être, c'est une question à reprendre dans la discussion. Alors, pourquoi je dis que la transcription est difficile ? Parce que la transcription nécessite un acte d'interprétation qui n'est pas, à mon avis, susceptible d'automatisation. Oui, il y a des systèmes de speech recognition, mais c'est recognition, reconnaissance. Ce n'est pas compréhension, ce n'est pas donc transcription. Parce que la transcription implique des décisions très difficiles, pas du tout évidentes, sur l'orthographie, la tokenisation, même la sélection des événements qu'on désire transcrire. J'ai un exemple qui suit. La transcription implique, normalement, une réécriture totale des événements oraux de point de vue temporel. Et ce qui est intéressant et ce qui peut-être explique les problèmes avec lesquels on est toujours confronté, c'est que la plupart des systèmes de transcription donne une priorité à la lisibilité des résultats par des êtres humains et non pas, ils ne donnent pas tellement de priorité au traitement de ces transcriptions par système automatique, ce qui est un grand problème. Alors, je commence avec un exemple de transcription. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Vous allez le reconnaître peut-être, si vous regardez bien. C'est une discussion entre deux personnages. Et vous voyez que ces deux personnages sont en train de... Bon, je cherche le mot juste. J'allais dire bagarrer. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je vois qu'il y a une personne qui dit... Ne dites pas une contre-vérité, il est du PPP, il est du PPE ou pas. Monsieur Berlusconi est berlusconiesque. Non. Est-ce qu'il est du PPE ou non? OK. Alors, comme ça, ce qu'on débat est présenté comme si c'était une pièce de Molière, comme si c'était une pièce théâtrale, en tout cas. Bien sûr, c'était une occasion très théâtrale, je m'en souviens. Désolé, je n'ai pas pu trouver l'oral sur laquelle cet morceau a été basé. Je ne sais pas si c'est disponible même. Il y a des petits morceaux sur YouTube, mais je n'ai pas trouvé celle-ci. Mais je suis convaincu que si vous regardez, si vous écoutez bien l'originel, l'oral, c'est plein de chevauchements, c'est plein d'interruptions. Une personne commence à parler, l'autre l'interrompt, l'autre le réinterrompt, etc. Et aussi, il y a des hésitations, il y a des lacunes où un mot est commencé mais pas fini, partout, qui ne sont pas présents dans cette transcription. Parce que l'objectif de cette transcription n'est pas à transcrire l'oral, mais à représenter, disons, ce que les gens veulent entendre dans... Oui ? C'est donc qu'il y a un enjeu tout à fait différent de point de vue linguistique. C'est pour ça que j'ai noté que c'est en quelque sorte factice. Deuxième point, à peu près... question de structuration des transcriptions. Ce que vous venez de voir là, il est très bien structuré d'une manière factice en énoncé. D'abord, vous avez une personne qui parle, ensuite le deuxième, ensuite il reprend, comme ça. Alors, c'est une structuration classique. Et pour beaucoup de situations orales, cette espèce de structuration sert très bien. Par exemple, dans les débats, comme ça, comme dans les interviews, et comme ce que je suis en train de faire. Moi, je vais parler pendant une heure, après ça, on aura un débat. C'est clair. Comment on va structurer toute cette intervention? On peut continuer de structurer de la même manière, par exemple, les interactions, disons, transactionnelles, on dit ça en français. Bon. Quand j'entre dans la boulangerie, je dis toujours « bonjour madame », il y a la serveuse qui dit « bonjour monsieur », et il y a quasiment un script que moi et la serveuse, on va suivre. Donc, on peut identifier cette espèce de structuration. Il y a aussi, troisième cas, ça devient un peu plus flou, un peu moins structuré, préordonné. Par exemple, quand on fait ce genre de... expérience où il y a une personne qui donne des instructions à quelqu'un d'autre. Il y a un cas très célèbre fait par un Américain à Édimbourg qui a créé un corpus qui s'appelle MapTask où les participants devaient expliquer, une personne devait expliquer à une autre personne comment arriver de tel ou tel lieu à tel ou tel autre lieu. Donc, c'est quasiment structuré parce qu'il y avait une personne qui avait un script à suivre et il y avait un objet de communication. Mais également, c'est libre parce qu'il pouvait expliquer comment le faire. Il pouvait se divaguer, parler du ton qu'il faisait, etc. Et puis, dernièrement, vous avez la conversation, disons, générale. qui est quasiment structuré, mais pas du tout de la même manière. Un cas classique, vous êtes en train d'enregistrer des gens qui parlent de, disons, ce qu'ils vont manger ce soir, et puis le sujet change. Il parle de ce que M. Antel a dit à Mme quelqu'un d'autre il y a 3 jours. Et puis, tout d'un coup, on revient sur la question de ce qu'on va manger ce soir. Alors, il y a une structuration là, mais c'est très imprécis. On ne peut pas dire exactement qu'il y a une partie du discours concernant ce qu'on va manger ce soir. En plus, il y a des controverses. Moi, je ne suis pas linguiste, mais je connais plusieurs. Et j'ai remarqué que chacun de mes amis, mes collègues linguistes, aime bien créer des controverses sur tout, même sur l'identification des unités de l'oral. Par exemple, quand j'ai débuté dans ce travail, pour moi, c'était évident, il y a une unité que j'appelais « a turn », un tour. On dit ça en français, un tour. Bon, ce qui veut dire que normalement, dans la conversation, moi, je commence à parler. Si toi, tu veux m'interrompre, c'est à toi de saisir le tour. Ça veut dire c'est à toi de signaler que tu voulais contribuer au discours. D'accord ? Mais apparemment, ce modèle ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup des cas, et là, j'en suis persuadé aussi, il y a des exemples de discours coopératifs où il n'y a pas question de concurrence entre les locuteurs, mais plutôt de coopération. C'est-à-dire que les deux veulent communiquer ensemble pour arriver à un consensus. Par exemple, bon, ok, je n'ai pas le temps de donner un exemple, mais j'espère que je ne dis pas des bêtises. J'ai mis là les back channels parce que je voudrais vraiment savoir l'équivalent français. Et chaque fois que je la demande à quelqu'un, il me dit oh, on dit back channel. Mais vous savez ce que c'est ? Le back channel, c'est ce que vous venez de faire. Quelques-uns parmi vous qui ont très gentiment fait un petit rire en réponse à mon imitation d'un accent français. Vous avez dit un back channel, ça veut dire que vous signalez que vous ne voulez pas m'interrompre, mais que vous avez compris ma petite remarque. D'accord ? Et ça se passe toujours dans la conversation normale. Il y a toujours une manière de signaler qu'on est toujours là, on est allumé, on est en train de recevoir des informations, on veut continuer la communication. Et ça, c'est un back channel. C'est très important. Et puis, j'ai déjà abordé le sujet du commerce, les actes qui sont constitutifs d'une analyse de discours classique. Alors, identifier de telles unités, puisqu'ils sont tellement diverses, ce n'est pas un problème simple. Je répète que pour moi, il y a une distinction très importante entre une transcription lisible et une transcription en vue d'un traitement. J'ai proposé dans la première version de cette intervention, j'ai essayé d'inventer un mot qui n'existe pas en français, apparemment, traitable. On parle de traitement de texte, d'accord ? Alors, il y a des textes qui sont traitables. Et il y a d'autres textes qui ne sont pas tellement facilement traités. Il semble qu'il n'y a pas de mot traitable. Non ? Oui ? Bon. Mais vous me comprenez quand même. J'espère que vous voyez ce qui est la différence, qui est très important. Parce que l'un de ces deux approches met l'emphase sur le message. Donc, si votre enjeu, c'est plutôt une analyse historique, sociale, de ce que M. Sarkozy avait dit à un moment précis, là, vous avez un autre emphase que quelqu'un qui est intéressé par l'analyse linguistique, qui veut savoir comment il a dit, de quelle manière il s'est présenté. D'accord ? OK. Maintenant, je passe sur le sujet des normes. Je vais aller un peu rapidement là, mais j'aime bien ces petites... c'est quoi ça ? Acronyme, voilà. Il y a trois acronymes possibles pour décrire l'approche qu'on a sur la normalisation. Un seul, on peut dire tout ce qu'il faut, c'est la solution centralisée. We know what's best for you. OK? On sait ce qu'il te faut. À l'autre extrême, on a la solution anarchiste que je caractérise avec « Nobody will ever understand my problem ». OK ? Et en principe, qu'est-ce qui se passe ? C'est le troisième. On est un peu pragmatique. On prend autant que standard qu'il en arrive. C'est une solution très laissez-faire que je traite comme FTH, follow the herd. Fait comme tout le monde. Et en plus, pourquoi cette tension entre ces trois possibilités ? Parce que les normes ne s'imposent pas. C'est un peu difficile, surtout dans la vie intellectuelle. Les normes émergent d'un besoin communautaire, quelque temps, mais aussi les normes émergent du fait qu'on veut utiliser une technologie quelconque et cette technologie impose une norme qui ne sera pas peut-être celle qu'on aurait voulu. Mais en tant que bon chercheur, on ne renonce pas à son indépendance de ces outils. C'est un paysage complexe. Bon, je fais une liste d'acronymes là pour identifier un peu le paysage des standards, mais peut-être ça ne vous intéresse pas tellement. Alors, je passe à la point principal. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Vraiment, les standards pour les scientifiques pourraient constituer un inconvénient. Ils figent un état de la connaissance. Et l'intérêt des scientifiques, c'est de faire avancer, c'est de faire bouger la connaissance, non pas de le figer. Leur production et surtout leur suivi est très chronophage. Ce n'est pas très évident comment le suivre. En plus, pour créer des standards, il faut avoir des compétences sociales, connaître un peu la politique, etc. Quand même, suivre les normes, ça apporte des plus. De point de vue scientifique d'abord, comment sur le web identifier, retrouver des ressources numériques ayant un intérêt linguistique ? Comment valider les résultats scientifiques qu'on a obtenus soi-même ou qui ont été obtenus par d'autres personnes ? S'il n'y a pas un standard de description, c'est impossible de faire la comparaison entre les deux. Si on a des prétentions à faire de un science empirique, il faut qu'il existe des standards pour décrire les objets, les méthodes. Comment enrichir, comment profiter des travaux des autres, des ressources existantes ? Comment on peut les enrichir avec ses propres idées pour donner quelque chose de nouveau si ces autres ressources ne sont pas standardisées ? Et comment, et ça c'est le dernier cas, comment séparer les ressources des outils qui les gèrent. Ça, c'est très important. C'est un cas très signifiant dans le cas de l'oral. La plupart des outils oraux ont le propre format, le propre standard qui est propre à un seul outil. Pour éviter cela, des standards, des normes restent essentiels. Il y a aussi des plus de point de vue technique. J'ai déjà évoqué l'idée de recombiner, de réutiliser des systèmes existants. Ça, c'est vraiment la manière où on avance de point de vue technique. La plupart des logiciels ne sont pas des grandes usines à gaz, mais ils sont modulaires. Alors, s'il n'y a pas de standard de communication entre ces modules, tout ça ne va pas marcher, d'accord ? De point de vue de formation aussi, c'est très utile d'avoir de se permettre de réduire les coûts de formation en se basant sur des standards existants. Et également, d'un point de vue scientifique, on constate l'existence de ce que j'appelle les « frequently answered questions ». Vous connaissez peut-être les « frequently asked questions », les FAQ, des sites web, mais il y a aussi des réponses qui sont fournies souvent, la même réponse, dans des domaines très variés. Des solutions qui s'appliquent dans plusieurs domaines. Les standards offrent, un respect des standards offre toutes ces possibilités. OK. Maintenant, j'essaie de répondre à la question. Est-ce qu'on peut arriver donc à normaliser la transcription de l'oral ? J'ai cité trois essais. C'est une question qui se pose fréquemment dans la littérature. J'ai cité là un article de, extrait d'une collection qui a été publiée en 91 par docteur, comment ça s'appelle, Edwards. Bon, j'ai perdu son prénom. No transcript is completely theory neutral or without bias. Elle parlait plutôt de la manière de visualiser des transcriptions, mais le point s'applique également à leur représentation, sa structuration en numérique. Et McWhinney, 10 ans plus tard, se plaignait du fait que, vous voyez tout ça, je ne vais pas traduire, mais finalement, ce qu'il dit, c'est que toutes les variétés de linguistes ont leur propre manière d'identifier les choses et donc de les représenter dans la transcription. Et qu'il n'était pas possible de définir un standard qui serait indépendant de ses points de vue linguistiques. C'était sa point de vue au début du XXIe siècle. Alors, 10 ans plus tard, j'ai cité un article que j'ai bien aimé de Thomas Schmidt, un Allemand, un linguiste allemand, qui note que jusqu'à là, il n'existait pas de standard dominant dans la transcription. Ce qu'il ajoute à la soupe, c'est l'idée que maintenant qu'on aborde un monde où il y a des grosses infrastructures de recherche, un monde où il existe, il a cité par exemple 12 grands corpus de plusieurs langues, qui, s'ils s'étaient servis du même système de transcription, auraient pu servir à établir des normes linguistiques, faire des recherches contrastives entre les langues européennes basées sur les corpus, s'il existait un standard pour les représenter d'une manière cohérente. Mais jusqu'à là, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi je retourne dans le temps. C'est bizarre. OK. Alors, dans ce même article de Schmidt, il fait l'observation, à mon avis, très, très pertinente. Il regarde là les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outils de transcription les plus répandus. Vous connaissez peut-être quelques-uns de ces outils. Et il note que tous ces systèmes proposent un modèle qui est à peu près pareil, à peu près la même, une simplification d'une modèle d'annotation proposé par Bird et Lieberman, qui était très, très connu, dont je simplifie grossièrement, mais il note que, comme j'ai déjà dit, l'oral existe dans le temps. Donc, il faut le structurer avec observation de chaque morceau de transcrit doit être lié avec un point dans le temps, son départ, et un autre point dans le temps, sa fin. D'accord ? Qu'on peut regrouper ces morceaux, ces fragments, dans plusieurs, il emploie le mot « tiers », ou je traduis en français comme « couches », des « layers », on peut dire également. Et une couche peut être associée à un locuteur, et ou un type d'analyse, etc. Et que ces couches, on les met l'un sur l'autre comme dans une partition musicale. Ça, c'est un modèle qui peut s'appliquer à tous ces systèmes de transcription. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà un exemple. C'est un de ces outils, Exmeralda, un des plus complets, je dirais. Vous voyez là, vous avez la couche sonore et au-dessous, vous voyez les couches d'annotation qui sont liées l'un avec l'autre dans le temps. Et si on regarde les formats internes, on voit à peu près la même chose. Ici, vous avez un petit peu du format interne XML de Exmeralda. Est-ce que je dois expliquer les lois de XML? J'espère que non. Le syntaxe XML. Si vous vous sentez perdu, demandez à votre voisin. Alors, vous voyez, il y a un élément timeline qui identifie les moments dans le temps. Chacun des moments est donné un identifiant. En bas, vous voyez la transcription elle-même qui contient plusieurs événements. Chacun des événements pointe sur ou donne l'identifiant d'un point dans le timeline. Alors, laissons tomber le syntaxe spécifique. Les idées sont exactement les mêmes ici que dans cette autre proposition. C'est une autre transcription faite avec un autre outil où vous avez, dans ce cas-là, vous avez, au lieu d'avoir séparément le timeline, l'ensemble des moments dans le temps ne sont pas répertoriés, mais ils sont impliqués par le fait que chacun des énoncés a deux attributs, le start et le end, qui indiquent où il commence et où ils finissent. D'accord ? C'est pareil ici avec un autre corpus, dans ce cas-là néerlandais. Le nom des balises est différent, mais la manière de présenter la structure, c'est identique. Et là, c'est le seul exemple français, un logiciel transcriber. Et je n'avais pas remarqué que c'est, en effet, c'est un corpus anglais, je suis désolé, qui fait à peu près la même chose, qui dit il y a un morceau là qu'il faut synchroniser avec ce moment dans le temps. OK ? Il y a aussi une grande cohérence au niveau du contenu des transcriptions. Là, j'ai parlé de la placement dans le temps, la structuration de l'oral par rapport au temps. Mais également, si on regarde la transcription elle-même, qu'est-ce qu'il y a dans un énoncé? Il y a plusieurs choses. Je vais revenir dans les détails tout à l'heure. Mais si on regarde ces 1, 2, 3, 4, 5 systèmes de transcription, et là, je cite encore cet article de Schmitt, il prend un seul exemple. Il y a quelqu'un qui fait « You should let it be !» Please. OK. Voilà la représentation de ce même discours selon ces 5 systèmes. Vous voyez qu'il y a des différences tout à fait inutiles. Si on représente par exemple la pause par un tiré ou un point ou quelque chose d'autre, ça ne fait aucune différence. Mais pourquoi pas le faire de la même manière? Parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est la variation qu'on voit là est directement due à l'idée que la créateur de l'outil qu'il avait produit avait en tête qu'on va relire ces transcriptions par des êtres humains, qu'il n'y aura jamais question de les traiter automatiquement. Mais c'est justement ça qu'on veut faire. Et c'est impossible si on ne sait pas est-ce qu'on va avoir affaire avec un tiré ou avec un slash ou avec un plus ou une série de points pour représenter les pauses. Bien sûr, on peut créer un outil très complexe de traduction entre tous ces formats, mais quel gaspillage d'efforts. Voilà la version TOI XML, finalement, très simple, qui se base sur un syntaxe XML très connu. Donc, n'importe quel logiciel, même un logiciel idiot comme Internet Explorer, peut faire quelque chose avec cette transcription, okay, qui n'est pas le cas pour les autres. Et en plus, avec la version TEI XML, j'ai dit, voilà une version TEI XML, très simple, très contraint. C'est parce que la TEI, et je vais explorer ce concept à la longue, la TEI permet une grande richesse, une grande variété d'annotations. Là, j'ai fait ce que je propose comme le minimum, mais aussi je pourrais aller beaucoup plus loin en identifiant des parties dans cet énoncé, trois parties, que j'ai balisées avec des seg, et également j'ai balisé chaque mot dans la transcription. Le concept de mot dans l'oral, c'est déjà un sujet de thèse, s'il y a des mots dans l'oral ou non. Et si ça existe, en quoi ça consiste ? Mais là, l'encodage nous aide à déclarer les mots qu'on a vus, qu'on a trouvés, qu'on prétend exister dans l'oral. C'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de claim derrière ça. OK. Alors, c'est quoi le modèle donc de TEI pour représenter l'oral ? Combien de temps il me reste ? Je veux vous donner l'opportunité de parler. Il me reste à peu près 20 minutes, ça va ? C'est parfait. Alors, dans ce modèle de la TEI, il y a plusieurs phénomènes qui sont distingués. Les énoncés, bien sûr, les pauses, des phénomènes vocalisés mais pas lexicalisés. Par exemple, ça, c'est produit avec le système vocal, mais ce n'est pas vocalisé. C'est différent dans toutes les langues, d'abord. Et puis, ce n'est pas clair si on l'écrit ou non. Puis, il y a des choses comme ou « un » ou « un » qui peuvent s'écrire d'une manière différente, mais est-ce qu'ils sont lexicales ou non ? Ce n'est pas clair. En plus, il y a des événements kinésiques qui ne sont pas du tout vocalisés, mais contribuent à la communication, comme cela. D'accord ? Puis, il y a des événements entièrement non linguistiques. Par exemple, si je tombe du plafond, j'essaie de ne pas faire, ça aura un effet sur mon discours. Okay ? Mais ce n'est pas un truc linguistique. Puis il y a des événements écrits, j'ai un exemple de cela. Et puis il y a des changements dans la qualité vocale qui pourraient être d'importance dans un discours parce qu'ils peuvent signaler quelque chose. Ils font une partie de la communication. En résumé, il y a un ensemble des événements qu'on désire transcrire. On distingue entre les choses qui ont une fonction de communication et ceux qui n'ont pas. Pour ceux qui n'ont pas, on se sert d'une balise incident. Si on reprend les choses qui font partie de la communication, on distingue entre ceux qui sont produits par le système vocal, oral, et ceux qui ne sont pas. C'est une simplification parce qu'il y a, par exemple, je cite toujours l'exemple de on dit en français Hottentot. Vous savez ce que c'est le Hottentot ? Il y a ce clic. OK ? Alors, ça, dans les langues européennes, ça, c'est un kinésique. Si la maman dit à sa bébé comme ça, ou si on parle avec les chevaux, non ? En disant ça. Mais ça fait partie du système oral, linguistique, dans des langues bantues. D'accord ? Alors, c'est pas toujours évident, cette distinction. Et également, pour ma dernière distinction, dans l'oral, on peut distinguer les choses qui sont lexicalisées et les choses qui ne sont pas, comme les tous, comme les changements de voix, etc. Donc, Cette simple modèle est à compléter avec, bien sûr, la structuration, la segmentation des énoncés, les mécanismes d'alignement temporaire et la représentation et intégration des métadonnées. Là, je passe à un exemple. J'espère que vous pouvez le lire. Oui, c'est clair. Je lis, donc, il y a une personne qui s'appelle Jan qui dit « delicious ». Puis, il y a le téléphone, la téléphone qui sonne. Kim qui dit « j'y vais ». Tom dit « il y a longtemps, je ne fume plus ». Bob qui dit « il se croit dur ». Et Anne qui grogne, qui ne dit rien, mais qui grogne. Et on trie ça, là, on traite le grognement de Anne est traité comme si c'était un énoncé. Mais ça pourrait être à l'intérieur d'un énoncé également, bien sûr. Et finalement, on a Tom qui dit « ouais ». Il fait un geste que je ne répète pas. Notez que son mot « ouais », ça, c'est une épellation pas standardisée en français. Mais normalement, dans un projet de transcription, on va proposer des normalisations, des distinctions qu'on désire faire entre « ouais », »,« oui », »,« ouais », etc. Et donc, j'aurais dû... faire quoi ? Bon, OK. Dans son incohérence, ce petit exemple démontre très bien le genre de l'oral qu'on a, avec lequel on a typiquement affaire. OK, c'est compréhensible. Je ne veux pas aller trop vite. D'accord. Alors, c'est quoi un énoncé ? Selon la TEI, parce que la TEI essaie d'être indépendant de toute théorie. Pour la théorie, un énoncé, c'est simplement la séquence de discours qu'on veut attribuer à un seul locuteur dans un moment. Que ce soit complet ou non, que ce soit interrompu ou non, c'est le morceau de la transcription qu'on désire attribuer à un seul locuteur. On peut les regrouper dans des sections d'IF, si on dit « voilà tous les énoncés sur le sujet de ce qu'on va manger ce soir », ça, c'est un DIF. Ou par contre, si on désire diviser par exemple cette intervention entre ma partie que je fais moi et la partie où on fait le débat entre nous, ça serait une deuxième division. Et à l'intérieur des énoncés, on peut identifier des segments de deux manières que je n'explique pas. Et puis, il faut... Parce que un énoncé est, par définition, associé avec un locuteur, il y a toujours un attribut qui identifie qui est ce locuteur. Et je pars sur, j'ai beaucoup d'exemples sur le problème de chevauchement des énoncés un peu plus tard. Intéressant, on peut profiter d'existence d'autres éléments déjà fournis par le système TEI. Notamment, il arrive souvent qu'on désire indiquer qu'il y a une emphase dans le texte oral, que ce soit réalisé par des phénomènes oraux, ou d'autre manière. Je peux souligner une phrase de manière kinésique, par exemple. Donc, il y a une balise EMF qui indique que là, il y a une emphase, sans prendre position sur la manière où il est exprimé. Pareillement pour les changements de langue. Tout élément XML-TEI possède un attribut qui identifie sa langue, la langue dans laquelle elle est exprimée. Donc, si vous avez un changement de langue, comme dans ce cas-là, eh ben, peu à peu, il devient « eine Sache », où il y a un changement de langue, je peux identifier la partie dans d'autres langues de cette manière. Puis, il y a autre, la possibilité de donner un commentaire sur le statut d'une partie de la transcription, statut de point de vue, disons, quasiment éditorial. Donc, je suis en train de transcrire un enregistrement où il y a des enfants qui se parlent et l'enfant dit « How about your cat ?» Vous notez que le mot « bout » a perdu son « a ». Ça, c'est un idiome très courant dans l'anglais moderne. Et on pourrait simplement dire « Oh, je ne suis pas intéressé par ce phénomène, je veux le régulariser. » OK ? Donc, je me sers de la balise « reg » pour dire « régulariser ». Ce n'est pas comme ça dans l'oral, mais pour des raisons techniques, de simplification, je vais changer tout ça dans le même format. C'est comme les « ouais », les « ouais » et les « oui ». Okay. Ou par contre, je peux dire l'inverse. Je peux dire « normalement, ça devrait être le mot « about ». Mais ce n'est pas « about », c'est « about ». Donc, je vais marquer qu'il y a quelque chose un peu bizarre là. Et je me sers de la balise « sic » comme marque de preuve, comme on dit en latin, ainsi. OK ? Je continue. De temps en temps, il y a des mots que je ne sais pas comment transcrire. Il y a une balise pour ça, unclear. Donc, je suis en train d'écouter et il y a quelqu'un qui dit ça ressemble au disque SCSI. Moi, je ne connais pas le mot SCSI. C'est quoi, SCSI? Alors, j'ai écrit ça ressemble à un mot SCSI qui n'existe pas, à mon avis, parce que je suis ignorant. Donc, je l'écris comme ça. Je signale ma incompréhension en tant que transcripteur. Aussi souvent, il arrive qu'il y a des lacunes dans la transcription pour une raison ou une autre. Je peux les représenter avec cette balise gap, qui donne la possibilité d'ajouter une annotation sur la raison pour laquelle il y a cette lacune. Et finalement, pour revenir sur mon about, je peux avoir, comment on dit en français, le beurre et l'argent de beurre, en disant que vous pouvez transcrire cela de deux manières, ou bien avec reg, ou bien avec core, ou bien avec sick, ou bien avec core. D'accord ? Ou dans ce cas ici, qui était le cas dans la version que je vous ai présentée d'abord, je ne sais pas si les gens disent should ou could. Ce n'est pas du tout clair. Alors, je pourrais mettre un unclear pour dire je ne sais pas ce que c'est, ou bien je peux dire c'est ou bien should ou bien could. Et je fais ça en les représentant en deux segs et en englobant les deux parties avec un choice élément. OK, ça suffit jusqu'à là. Changement de voix. Bon. Là, on approche le problème des chevauchements. Ici, il y a un feature, un trait de l'oral qui s'appelle volume. C'est-à-dire volume, c'est bon. Ouais. Qui change à ce moment-là? Normalement, dans le discours, on est à un volume plus ou moins statique. Puis tout d'un coup, ça change, ça augmente de volume. Et je dis Elizabeth. Elizabeth dit oui, dit yes. Et je dis come and try this. Pause. Puis je deviens très fort. Come on! Et je continue avec un changement de langue. Je dis en français mauricien t'en va. Je pourrais expliquer le mot teint, mais ça prend pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais ce que je voudrais vous faire voir, c'est qu'on peut signaler non pas le contenu d'un élément, mais les frontières, simplement, avec cette balise, qui permet beaucoup, qui est une astuce, finalement, pour échapper aux problèmes très connus de chevauchement, les problèmes de hiérarchisation essentiel dans les transcriptions en XML. Mais on peut également, dans ce cas-là, se servir des éléments plus spécifiques, et par exemple des segs typés. Donc là, j'ai marqué les segments qui sont produits d'une manière très... d'un volume grand. Okay. Là, par exemple, Common et les segments qui sont dans une autre langue. D'accord ? Ces deux procédures sont disponibles. Voilà une liste des caractéristiques prosodiques, donc il y en a plein. Est-ce que je veux passer par cela ? Est-ce que cela vous intéresse ? Le problème du mélange de l'oral et l'écrit. Alors, dans cet exemple, je suis là avec quelqu'un, on est en train de transcrire un discours, quelqu'un lit le journal, ok ? Et il dit, écoutez, Matignon, et tout d'un coup, il change, la qualité de sa communication change parce qu'il est en train de lire à haute voix du journal. Matignon se déclare confiant que les problèmes financiers actuels seront entièrement maîtrisés fin juin. Et fini de lecture, et il continue mon cul, comme d'habitude. D'accord ? Ou bien, on peut dire, je ne suis pas intéressé par les gens qui lisent les journaux. La manière de lire le journal ne m'intéresse pas dans ma transcription. Je vais supprimer toutes les parties qui sont lues à haute voix. Je les traite simplement comme incident. Ce n'est pas une portion de ma transcription. Donc, dans le deuxième cas, écoutez, puis lis à haute voix du journal, blablabla, mon cul. Le problème avec cette approche, évidemment, c'est qu'on ne comprend pas de tout pourquoi il dit ce qu'il dit. Mais aussi, supposons que ce n'est pas une question de lecture, mais plutôt comme ça. S'il disait « Regardez ceci !» et je pointe sur le texte Matignon, blablabla, qui est affiché. Je ne lis pas, mais je pointe. Et puis, j'ai dit « Mon cul !» D'accord ? Alors, vous voyez que c'est à peu près le même phénomène, mais c'est réalisé d'une autre manière. Mais on peut se servir de la même balise parce que c'est la même acte communicatif. Et ça arrive souvent dans, par exemple, les transcriptions des interventions comme ceci. Si on a l'occasion de dire « je suis en train de faire ma communication » et je pointe sur l'écran, je dis « ici, vous voyez blablabla, ici, vous voyez blablabla », il faut avoir une manière de représenter les choses qui sont affichées. D'accord ? OK, je passe enfin aux questions relatives à la temporalité, qui est le plus important, qui est très important. Pour les pauses, bien sûr, on peut les marquer avec une balise pause. Il y a aussi plusieurs attributs dont on peut se servir pour indiquer la durée d'un énoncé, la synchronisation d'une partie balisée avec un autre et le chevauchement. Alors, on prend le cas. Non, je passe par les pauses, ce n'est pas intéressant. Je passe sur cet exemple. J'aime très bien cet exemple parce que je m'en suis servi pendant 15 ans et cet exemple reste toujours à jour. Toujours. Il y a deux types qui se parlent. Et Jules dit « Vous avez entendu les ?» Et avant qu'ils ne finissent, Jim répond « Les élections ?» Non, les résultats. Okay. Et en même temps, les deux disent « Quel désastre !» et « Quel miracle okay. !» Alors, évidemment, une partie du discours de cette communication très significative, c'est sa présentation dans le temps, qui est vraiment cachée dans une présentation comme ceci, normalisée, dans une transcription comme celle que vous avez vue au début. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter la vérité sur cette petite communication entre ces deux personnes ? Alors, il y a une manière très simple qui consiste à qualifier chaque énoncé par sa transition envers l'énoncé qui l'a précédé. Donc, dans ce cas-là, l'énoncé de Jules, vous avez entendu l'énoncé de Jim, les résultats, et ce dernier est qualifié avec l'attribut trans égale latching. Latching, je ne sais pas la traduction française, mais c'est accroché, on peut dire. Oui, latching, c'est comme le truc qui ferme la porte, c'est un latch. Bon. Et puis ensuite, vous avez le deuxième énoncé de Jules, qui est « Quel désastre !» et le deuxième énoncé de Jim, qui est « Quel miracle !» Mais là, la transition entre les deux, c'est que Jim et Jules overlapent, chevauchent. D'accord ? Évidemment, il y a des problèmes là. C'est une manière très simple, très compréhensible, mais ça, il y a des problèmes avec. Il y a aussi un attribut sync, synchronisé, qui permet d'indiquer un point ou un empan qui serait à synchroniser avec l'élément qui le porte. Donc j'ai un élément ici, je veux dire que cet élément, par rapport à cet autre élément, est synchrone. D'accord ? Il y a un autre élément très utile qui s'appelle anchor. L'objectif de l'élément anchor, c'est simplement de marquer un point dans le discours et de lui donner un identifiant. Pourquoi ? Parce que s'il porte un identifiant, on peut synchroniser avec. Donc, c'est exactement cela ce que j'ai fait ici. J'ai dit donc l'énoncé de Jules, vous avez entendu les, et j'ai ajouté dans la transcription un anchor, je l'ai donné un identifiant T1. Voilà, T1. Et ici, je dis que cet énoncé, les résultats, synchronisent avec ce point T1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un empan, les résultats, qui se synchronise avec un point, le T1. Bon, c'est à décider. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le début de l'énoncé est synchrone avec le point indiqué. Le deuxième cas, c'est plus simple. Le quel miracle est synchrone avec quel désastre ? Parce que le T2, c'est l'identifiant de tout l'énoncé, le deuxième énoncé de Jules. On peut être un peu plus précise en se servant des autres attributs start et end. Start et end sont tout à fait, ils ont la même signification que sync. Sauf qu'ils indiquent le début de l'élément ou le fin de l'élément spécifiquement. OK ? Notez que tout ce que j'ai fait là, je n'ai pas fait recours à ce fameux timeline que j'ai présenté dans le modèle de Schmitt et les autres, parce que j'ai voulu commencer avec le cas le plus simple. Mais le cas le plus général et le plus efficace, c'est de définir l'ensemble des moments dans le temps indépendamment de les transcriptions qui vont s'en servir pour se synchroniser. Et bien sûr, la TI permet cela. Donc, j'ai la possibilité, supposons que j'ai un fichier qui contient l'oral de cette discussion entre Jules et Jim, qui est dans un fichier que j'ai donné un nom peu créatif, fichier.wav. Alors, je peux dire que correspondant à ce fichier, il y a un ensemble de moments dans le temps. Chacun de ces moments, je donne un identifiant. Et je peux, en plus que leur identifiant, T0, T1, T2, je donne une indication de son temps, sa datation, je peux dire, datation absolue. Donc, T0, c'est à je ne sais combien de milliseconds, de millisecs. Celui-là, c'est plus tard. Donc, comment vous dites en français timestamp? Timestamp? Hein? Empan? Non. Empreinte. Empreinte, on dit. Empreinte temporelle, voilà. OK? Ou bien je peux les définir d'une manière relative l'un à l'autre. Mais ça, c'est un peu complexe. Et cela permet un alignement de plusieurs moments qui sont synchronisés, tout avec le même moment dans le temps. Et notez bien que chaque when représente un instant, non pas un empan. C'est pour cela que si on désire faire la synchronisation de deux des empans, il y a quelques menus inconvénients. Il faut traiter le début et la fin des empans indépendamment l'un de l'autre. OK. J'ai le sentiment que c'est bien de finir. Je voudrais dire quelques mots sur les métadonnées, sur la description des participants dans une transcription. Normalement, on désire fournir des informations sur les participants de point de vue documentaire, simplement pour dire celui-là, il est responsable de ces discours. Et on peut donner, avec ce balisage, une description quasiment détaillée, mais en prose, qui ne peut pas être traitée de manière automatique, sauf que par ces attributs qui sont normalisés. Pourquoi on normalise ces parties-là et non pas tous les restes? Bon, parce que normalement, on est assez intéressé par la distinction, disons, des énoncés des femmes par rapport aux énoncés des hommes, plutôt que par les énoncés des gens de bonne éducation par rapport aux gens de mauvaise éducation, supposons. Mais, ou bien, heureusement, parce qu'on se sert de la théorie qui a beaucoup des enjeux en tête, on va trouver dans la théorie une énorme quantité de balises pour décrire les gens dans une manière très spécifique, en distinguant les états, le trait, les événements dans leur vie, et même les relations entre ces entités. Toutes ces informations sont datables, et la liaison entre ces informations et les énoncés nous permet donc de dire, par exemple, je veux retrouver tous les énoncés de personnes de sexe féminin issues de tel ou tel classement social, dans telle ou telle situation, dans telle ou telle région géographique, en s'appuyant sur l'identifiant unique de la personne dans la transcription des énoncés. Là, j'ai un petit exemple que j'ai inventé, je pense, oui. C'est une personne qui s'appelle Jules, qui a un âge codifié 4, mais je donne aussi sa date de naissance, sa nationalité, où il réside, ses connaissances linguistiques et ses occupations et son éducation. Et parce que toutes ces informations sont mises ensemble avec cet identifiant que vous voyez là, Jules, quand je fais dans ma transcription, ces énoncés sont tous associés avec ce symbole Jules. Donc, je peux aller dans l'entête, retrouver tous ces autres métadonnées et m'en servir pour faire des recherches. D'accord ? Je peux faire pareil avec la description du procédure d'enregistrement lui-même. Là, c'est un exemple un peu complexe. Et même la situation où ça se passe. Bon, en résumé, j'ai essayé de vous présenter les trois choses. La démarche, comment se servir de la théorie qui met à votre disposition une gamme de propositions pour l'encodage de la transcription de l'oral, sa structuration et également sa description. Je vous ai proposé que la théorie vous propose des avantages. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, je n'ai pas discuté ça, mais on peut dans le débat, si vous voulez, la théorie vous propose également des outils qui sont assez accessibles, assez génériques. Et en plus que la théorie soit modifiable. Je voudrais dire deux mots sur cela tout à l'heure. De plus, c'est un standard pluridisciplinaire, issu d'une communauté plus large que celle de linguistique de l'oral, dont vous pouvez bénéficier des compétences d'autrui. Bien sûr, il y a des défis, parce que vous avez des besoins très spécialisés qui requièrent donc des outils spécialistes. Et Je suis convaincu qu'il y a des lacunes éventuelles dans la théorie, mais c'est à vous, comme communauté d'usagers, de les identifier. Pourquoi s'intéresser donc toujours à la théorie ? Et je termine sur cela. À mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles un standard, un norme échoue, ne marche pas, disparaît. Parce que, ou bien il est basé sur une théorie qui n'est pas encore mûre, alors c'est précoce comme standard, mais aussi il y a le problème de ce qu'on appelle en anglais de « not invented here », pas de chez nous. Ce qui veut dire, d'une manière plus positive, que la communauté d'usagers envisagée est trop diverse, trop fragmentée. En suivant le discours de Schmitt, je me suis persuadé que ce n'est pas le cas dans la communauté de chercheurs dans l'oral. Je pense qu'en effet, ce communauté est beaucoup plus, ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ne prétendent, que vraiment il y a un modèle commun entre tous ces chercheurs, tous ces scientifiques. Donc, qu'il y a le moment, c'est le bon moment d'essayer de standardiser, de proposer des normes qui répondent à ces besoins. Bon, il y a une manière très technique pour définir une extension, une modification, une application de la théorie qui s'appelle un OD. Je n'ai pas le temps de présenter, mais c'est très important. Mais ça permet donc, le plus important, c'est en bas. On peut évoluer sa propre théorie. On peut le tester sans perturber les systèmes théoriques existants et en restant toujours qu'on dit TI conformant. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un cas de l'évolution darwinienne qui marche, qui fonctionne, évidemment. On est là. Hein. Vous avez la possibilité de faire votre proposition de changement, d'élargissement, de modification de la théorie sans déranger le tout, de les documenter, de les faire discuter parmi le communauté le plus grand possible et finalement de faire une proposition de modification dans la théorie elle-même. Et c'est comme ça que la théorie avance, qu'il est toujours là après 30 ans. Parce que la théorie a pu définir une manière de s'adapter, de se modifier en réponse aux besoins des chercheurs. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Voici quelques liens pour plus d'informations.